The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Work. Le boulot. Fussy person. Le difficile. Nearby. À deux pas. A look at. Un coup d'œil. Deposit. La caution. Now, a bit faster. Fussy person. Le difficile. Work. Le boulot. Fussy person. Le difficile. Nearby. À deux pas. A look at. Un coup d'œil. Fussy person. Le difficile. Work. Le boulot. Deposit. La caution. Work. Le boulot. Fussy person. Le difficile. Now, use the words in context. Le boulot. He's been looking for a job for 3 months now. Ça fait maintenant 3 mois qu'il cherche du boulot. Le difficile. Stop being difficult or you won't get any dessert. Arrête de faire le difficile ou tu n'auras pas de dessert. À deux pas. My work is a short distance from the metro station. Mon boulot est à deux pas de la station de métro. Un coup d'œil. I asked the mechanic to have a look at my car. The engine makes a weird noise. J'ai demandé au garagiste de jeter un coup d'œil à ma voiture. Le moteur fait un bruit étrange. La caution. I don't think it's normal to ask for 3 months' deposit. Je ne trouve pas ça normal de demander 3 mois de caution. À deux pas. My work is a short distance from the metro station. Mon boulot est à deux pas de la station de métro. Un coup d'œil. I asked the mechanic to have a look at my car. The engine makes a weird noise. J'ai demandé au garagiste de jeter un coup d'œil à ma voiture. Le moteur fait un bruit étrange.